السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم. Comme convenu, nous allons poursuivre les dourous que j'avais interrompu dans ce livre Mubarak qui est 200 questions-réponses dans la croyance islamique authentique de Cheikh Hafiz al-Hakami rahimahullah ta'ala. Et c'est un point important que j'avais oublié de citer hier dans l'intervention, qui est que parmi les causes de thabat et de tawfiq, il y a talab al-ilm, apprendre la science, où qu'on soit en France, qu'on soit au Yémen, qu'on soit au Maroc ou je ne sais où, que chacun fait l'effort de donner le temps d'apprendre sa religion en mesure de ses capacités. Car c'est ça qui va alimenter la foi, et ça qui va renforcer et qui va donner plus de saveur à l'adoration. Sans quoi la personne, si c'est juste une coquille vide, elle sera amenée à s'exposer aux fitnes et à ne pas patienter lors des épreuves, et avoir sa foi qui baisse. Et ça également, c'est une chose dont sont privés beaucoup de frères en France, c'est talab al-ilm dans les masajid, dans les mosquées, car maintenant, ils ont mis un, comme une sorte de très peu de masjid font des durus, très très peu, et en plus je parle de durus tenus par des salafis, et qui plus est, ces durus sont censurés. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas tout évoquer, sous peine de se faire catégorifier, et par la suite, de voir peut-être le masjid où on est, se faire fermer. Donc c'est très limité, c'est très restreint. D'accord ? Donc il faut profiter de cette foursa qu'Allah Azzawajal a donné, qui sont les réseaux, pour pouvoir justement essayer d'apprendre. Et cela se fait malgré la distance. Inch'Allah, vous savez, mes durous à moi, ils sont pas longs. Hein. En général, je les fais courts, car je sais que le temps des gens, il est compté, ils ont beaucoup de choses à faire, et les durous longs sont durs à retenir. Donc ça, c'est une chose qui est importante. D'accord ? Aussi, un tambir que je voulais faire par rapport à hier dans l'audio que j'ai fait une maladresse lorsque je disais que sans les frères ou autres, j'aurais coulé. Et bien sûr, c'est Ba'd Aounillah Azzawajal, en premier lieu. Ces frères n'étaient qu'une cause. Ça, j'ai oublié de le dire dans l'audio. Verbalement, c'est une faute. Je sais que j'ai pour croyance que c'est Allah Azzawajal qui protège, mais je n'ai pas précisé. C'est comme le fait de ne pas dire Inch'Allah. Ça peut avoir des conséquences. Même si on le pense, mais le fait de ne pas l'avoir dit peut avoir des conséquences, comme c'est le cas de Suleyman, alayhi salam, qui n'avait pas dit Isma, qui n'avait pas dit Inch'Allah, après avoir passé une nuit avec toutes ses femmes pour avoir une armée, et le fait qu'il n'ait pas dit Inch'Allah, eh ben, il était privé de cette baraka. Donc, je précise bien que tout ce qui m'est arrivé, que j'ai cité hier dans l'audio, que sans la présence des frères, et les réunions assemblées, que j'aurais probablement coulé, Ba'd, tayyib, Ba'd, Aounillah, si Allah ne m'avait pas aidé, et ensuite, la présence de ces frères-là, ça aurait pu être dramatique. Non. Taïeb. Donc là, on va poursuivre. L'auteur avait suivi l'ordre du hadith de Jibril, alayhi salatu wassalam, dans les piliers de la foi. « Intu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa l'umna akhir wa bil qadri khayrihi wa sharrihi » Que la foi, c'est de croire en Allah azawajal sous toutes ses formes, sous toutes ses conditions. Et c'est ça qu'on a pris au début. Il a parlé du tawhid, il a parlé du tawhid dans al-rububiyyah, le tawhid dans al-uluhiyyah, ou le tawhid dans l'asma sifat. Et ça, ça inclut justement la foi en Allah, complète. Et non pas le simple fait de dire « je crois en Dieu » comme beaucoup disent, et à côté de cela, tu vois qu'il y a une grande différence au niveau de la croyance. Qu'en réalité, Allah ne savent pas qui il est. Et qui sont, c'est une chose qui sont eux-mêmes conçus dans leur tête et qui en réalité ne convient pas du tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Des attributs qui ont été ajoutés qu'il n'a pas. Des attributs qui lui ont été retirés alors qu'il a. Un manque d'estime à sa valeur. Et plein de choses comme cela. Donc croire en sa présence ne suffit pas. Il faut croire en sa présence et tel qu'Allah azawajal s'est décrit et tel qu'il est. En mesure de ce que des textes qui nous sont parvenus. Taïb. Donc là, Ba'da Hadha, ça y est trop le fi. الركن الثاني هو الإيمان بالملائكة le fait de croire en les anges يقول في السؤال الرابع والسبعين 74e question. ما الدليل على أن على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ Donc il dit, quelle est la preuve de la foi en les anges dans le livre et dans la sunna? Car vous savez, notre point de retour, c'est le Coran ou la sunna, avec la compréhension des salafs. يقول رحمه الله تعالى أدلة ذلك من الكتاب كثيرة منها قوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. Donc les preuves sont très nombreuses. Allah dans le Coran il parle des malaïka. Et tout comme dans la sunna, dans le sens où Allah dit et les anges le purifient par sa louange, par la louange de leur Seigneur, et le demandent pardon pour ceux qui sont sur terre. C'est-à-dire que les anges demandent pardon pour les hommes. Shura, la consultation, verset 5. قولوا تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون. Certes, ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne s'enflent pas d'orgueil face à son adoration et ils le purifient et se prosternent. Et ce verset fait allusion aux malaïka. Ce sont les malaïka. Al-A'raf, verset 206. وقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. Et quiconque est ennemi à Allah, ainsi qu'à ses anges, ainsi qu'à ses messagers. Et là, les messagers, ce qui est voulu par là, ce sont ses anges, justement. Quand on va le citer, Inch'Allah. Et il cita Jibril et Mikael, on dit également Mikael, on peut dire Mikael et Mikael, comme on peut dire Jibril ou Jibra'il. Les deux sont venus, les deux dénominations sont venues de façon authentique dans la sunna. Et il dit, فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ, que Allah est ennemi aux kuffar, en mécréant. Donc là, ce verset-là, à la fin de ce verset, c'est une preuve pour les gens qui, des fois, se mettent à philosopher en disant, c'est un mécréant, mais qui te dit que Allah ne l'aime pas. Peut-être qu'Allah l'aime, tu ne sais pas. Le verset dit bien que Allah est ennemi aux mécréants. Comment tu peux aimer ton ennemi? Allah n'aime pas les kuffar. Et d'autres versets, Allah le dit, وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, Allah ne les aime pas. Il y a également cette choubouette qui dit que Allah Azawajel sait qu'il va se convertir, donc peut-être qu'il l'aime avant. On dit non, tant qu'il est kafir, Allah ne l'aime pas. Le verset, il est clair. Allah ne l'aime qu'une fois qu'il devient un musulman. Même si Allah sait qu'il va l'être, avant son islam, son jugement, c'est des kuffars dans tous les sens. Donc il n'a pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, le shahid du verset, c'est qu'il faut croire en ses anges et il faut les aimer. Et ne pas les prendre en animosité, comme ce fut le cas des Yahoud, qui ont dit que Jibril était leur ennemi. Quant à l'Allah. Yaqul, wa taqaddama al-iman bihim min al-sunnati fi hadith Jibril wa ghayrihi wa fi sahih muslim. Et donc, il a dit que parmi les preuves de la sunna, qui parle des malaïka, il y a le fameux hadith de Jibril. D'accord? Ce hadith dont on a cité au début les six piliers de la foi, et ce hadith lui-même cite qui? Jibril, qui s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner la religion. Et il dit أَنَّ اللَّهَ تَعَلَى خَلَقَهُمْ مِنْ نُورٍ, que Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de lumière. Les malaïkas sont créés à base de lumière. Les êtres humains sont créés à base de terre, d'argile. Et les djinns sont créés à base de feu. C'est une chose qui est importante. Donc maintenant, on revient concernant El Malaika, les anges. Malaika, c'est le pluriel. Et le singulier, c'est Malak. Mim, Lem, Kaf. Malak. Et le mot Malak, à la base, il est dérivé d'un mot en arabe qui est Alaka. Qui veut dire, en fait, retransmettre un message. Donc, Malak, ça vient de ma'lak. Et après, pour une illa sarfiya, pour une raison de transformation des mots, qui revient à l'apprentissage de la langue arabe, on va pas en parler maintenant, c'est ma'lak, c'est devenu malak. Et qui veut dire messager. Donc, ces anges sont des messagers. Qui retransmettent des choses. Et ils sont créés à partir de lumière. Et leur apparence, on ne la connaît pas vraiment. Où Allah Azza wa Jal disait « Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ji'alil malaika rusula, ou li ajnihatin masna wa thulas wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna Allah ala kulli shay'in qadir. » Dans le sens où Allah dit « Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, celui qui a fait des anges, des messagers, dotés d'ailes, par paire, ou par trois, ou par quatre, qu'il ajoute dans sa création ce qu'il veut, et que Allah est omnipotent. » Donc ces anges, on sait qu'ils ont des ailes. Combien ? Ça dépend des malaïkas. Ils peuvent en avoir deux et plus. Dans sa hadith de Ibn Mas'ud, ou de Aïcha, قالت النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. Elle dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم a vu Jibril sous sa vraie apparence et qu'il avait 600 ailes qui couvraient l'horizon tant il était grand et immense. Donc les anges, on ne sait pas à quoi ils ressemblent, si ce n'est que certains, Allah عز وجل leur a donné la faculté de pouvoir prendre une apparence humaine, comme ce fut le cas de Jibril عليه السلام. D'accord ? Certains prennent l'apparence d'être humain. Et quand ils prennent l'apparence, c'est celle d'un homme. Donc les malaïka sont des créatures masculines. D'accord ? Car Allah Azzawajal dans le Coran, il parle d'eux sous la forme masculine. Toujours. Et d'ailleurs, avoir pour croyance que les malaïka sont des femmes, cela est du kufr. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. Qu'il a dit à propos des kuffars qu'ils ont fait des malaïka, des femmes, ou qu'ils ont dit que c'était les filles d'Allah Azza wa Jal. Et dire cela est de la mécréance. Donc les malaïka, ce sont des créatures masculines. Ils ne sont pas des hommes comme les humains. D'accord ? Ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont des ukul, ils ont des raisons. Mais ils n'ont pas de shahawat. Ils ont des ukul, des raisons. Ils raisonnent, mais ils n'ont pas de shahawat, ils n'ont pas de désir d'envie. Ils ne font, ils n'ont été créés que pour adorer Azza wa Jal et ne jamais obéir. Ne jamais désobéir, je veux dire. ثم قال في السؤال 75 75e question. ما معنى الإيمان بالملائكة? Donc maintenant la question c'est que signifie cette foi en les anges? Ça veut dire quoi croire en les anges? قال هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلقوا خرق من خلق الله مربوبون مسخرون. Donc c'est le fait de croire pleinement sans l'ombre d'un doute en leur existence, leur présence, et qu'ils sont des créatures parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils sont totalement sous son contrôle du fait que ils ne font que l'obéir. Ils n'ont pas, comme l'être humain, le libre arbitre. Ils n'ont pas le choix. Ils ont été créés sur cette nature-là, d'obéissance pure. C'est pour ça que les anges ne sont pas mukallafou, ils ne sont pas comme les humains. Dans le sens, ils n'ont pas de rétribution, de punition. Contrairement à nous, les humains, ou même des djinns, que Allah Azza wa Jalla a mis en nous le libre arbitre. On peut avoir la capacité d'accepter ou de refuser. Mais qu'il est obligatoire d'accepter. Mais quelqu'un peut dire je ne veux pas croire. Il y a des koufars qui existent, vous le savez. Mais chez les anges, cela n'existe pas. Tous, ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Comme a dit subhanahu, ibadun mukramun, la yasbekunahu bil kol wa hum bi amrihi ya'malun. Il a dit ce sont des serviteurs honorés, qui ne devancent jamais sa parole et qu'ils œuvrent en mesure de son ordre. Surat al-Anbiya, les anges, enfin les prophètes, de versets 26 à 27. La yasunna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun. Qui ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il ordonne. Et qu'ils obéissent à son ordre, pleinement. At-Tahlim, l'interdiction, verset 6. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-layla wa al-nahar, la yafturun. Qui ne s'enfle pas d'orgueil face à son adoration, et qui ne se lasse pas. Il n'y a pas de fatigue chez eux. Et qui le glorifie matin et soir, sans s'arrêter. sans s'arrêter. Toujours l'Anbiya, les prophètes, versets 19 à 20. Donc regardez bien les anges. D'accord ? D'ailleurs, il y a une masala qui a été citée par les savants. Qu'est-ce qui est meilleur ? Un ange ou un homme pieux ? D'accord ? Un ange ou un homme pieux ? Et le Khurasa, c'est dans le livre Tahawiyya. Et le Khurasa, c'est que les anges, en ce bas monde, sont meilleurs que les hommes. Et quand on parle des hommes, on ne parle pas des prophètes, on parle des hommes pieux. Les anges, en ce bas monde, sont meilleurs que les hommes. Mais dans l'au-delà, les hommes pieux qui auront Jannah seront meilleurs qu'eux. Pourquoi ? Parce qu'ils seront gratifiés de cette récompense. Excusez-moi, il y a une coupure. Non. Ils seront gratifiés, les hommes, du Jannah. Alors que les anges qu'on trouve au Jannah, ce n'est pas une récompense. Allah aura créé des anges pour le Jannah. Les autres seront amenés à disparaître. Tout comme il y a des anges qui seront pour l'enfer, comme on va en parler, Bismillah Ta'ala. Et ce n'est pas un châtiment pour eux. C'est qu'Allah les a créés pour être dans le feu. Ils ne souffrent pas là-bas, mais ils en sont les gardiens. Taïe. Qal fi su'al as-sadis wa sab'in. 76e question. Uskur ba'd anwa'ihim bi irtibar ma hayyahum Allah lahu wa wakkalahum bihi. Donc il a dit, ou plutôt, uskur. On va citer certaines de leurs catégories par rapport à ce que Allah Azzawajal leur a confié comme charge, comme fonction. قال هم بإعتبار ذلك أقسام كثيرة. Par rapport à cela, ils sont de beaucoup de sortes d'anges. Les anges, il y en a énormément. Ils sont indénombrables. D'accord ? Dans le Coran, Allah en a cité certains. Et dans la Sunna, certains. Mais ce ne sont pas tous. Là, l'auteur va en parler de certains, ceux sur lesquels il y a des preuves. قال فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. Donc parmi eux, et qui est le plus noble, celui à qui a été confiée la tâche de retransmettre la révélation au prophète. Et il s'agit de Jibril, alayhi salam. C'est Jibril. Et Jibril est considéré comme étant le meilleur des anges. Yaqul, wa minhum al-muwakkal bil-qitr. Ah non, c'est le qatr. Je ne sais pas pourquoi il écrit le qatr. Wa huwa Mika'il, alayhi salam. Ensuite, il y a celui à qui était confiée la tâche de faire descendre la pluie. Et lui, il est là pour nourrir la végétation et la création. Il s'agit de Mika'il. C'est l'ange à qui a été confié de faire descendre la pluie. Wa minhum al-muwakkal bi as-sur. Wa huwa Israfil alayhi salam. Après, il y a celui à qui a été confié la tâche de souffler dans la trompe lorsque l'heure viendra. D'accord ? Et lui c'est Israfil. Puis yaqul wa minhum al-muwakkal biqabd al-arwah wa huwa malak al-maut wa a'wanuhu. Ensuite il y a celui à qui a été confiée la tâche de prendre les âmes, celui qu'on appelle l'ange de la mort, avec son soutien, d'autres anges l'aident dans sa tâche. Et attention, ce qui est venu comme nomination de Israël, laysa ala zalika ay dalil sahih. Le fait de le nommer Israël, c'est une chose qui n'a aucune preuve à l'appui authentique. Donc on l'appelle Malak al-Maut, comme dans le Coran. Malak al-Maut, l'ange de la mort. Il yaqul wa minhum al-muwakkal bi a'mal al-ibad wa hum al-kiram al-katibun. Il y a les anges qui eux sont chargés de noter les actes du serviteur. On les appelle les honorables scribes qui notent tout ce que l'on fait et ils se relayent du as au as. Comme le hadith est venu que les anges se relaient du Asr un jour jusqu'au lendemain. Et ils notent tout ce que l'on fait. يقول ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات. Il y a également les anges qui sont eux chargés de protéger les serviteurs. Ils appellent ça les anges gardiens. كما قال تعالى لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يَحْفَظُونَهُ بِأَمْرِ اللَّهِ qu'ils ont des anges, les muraqabat, là, ce sont des anges gardiens, qui sont autour de nous, et qui nous protègent, selon l'ordre d'Allah Azzawajal. Les muraqabat, on les appelle comme ça. يَقُولُ وَمِنُهُمْ الْمُوَكَّلْ بِالْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا وَهُمْ وَهُوَ رِضْوَانُ وَمَنْ مَعَهُ. Après, il y a l'ange à qui il était confié de garder le Jannah. Le Jannah. Il se nomme Ridwan, selon l'auteur. Mais Ridwan, c'est comme Israël. Il n'y a pas de dalil authentique qui le nomme. Il n'y a pas de dalil authentique qui nomme Ridwan comme étant l'ange du Jannah. Naam. Yaqul wa minhum an muwakkal bin nar wa azabiha wa hum Malik wa man ma'ahu min az-zabaniyya. Également, il y a les anges qui eux sont chargés de garder an-nar, le feu de l'enfer. Il s'agit de Malik. Cet ange-là s'appelle Malik. Et les anges qui sont avec lui en cela, dans cette tâche. Comme encore le Ta'ala, wa nadaw ya Malik, dans le Coran, il a été nommé. Lorsque les gens du feu diront, ô Malik, c'est-à-dire, dis à ton Seigneur qu'il nous achève. Tellement ils souffriront les gens dans le feu, ils demanderont à Malik de demander à Allah Azzawajal de les achever, qu'ils meurent. Cependant, dans le sens où voilà, il leur dit, ne me parlez même pas, ne m'adressez pas la parole. Vous allez y rester éternellement. Regardez ce châtiment dur qui attend les gens du feu. Ils verront Malik, ils souffriront des douleurs inimaginables pour nous, au point qu'ils demanderont la mort. Pas de mort pour vous, vous allez rester là où vous êtes éternellement. Allah musta'an, nasallahu alayhi wa sallam al-afiyya. Wa nasallahu yahfazana wa iyyakum min an-nar. Et dans un hadith, il est venu que Malik, depuis que le feu a été créé, il n'a plus jamais souri. Je ne sais pas si c'est Malik ou Jibril. J'ai un doute. Il y a un des anges qui est nommé, et d'ailleurs Malik ne rigole pas. C'est le gardien du feu. Quel sourire il va avoir dans le feu? Je crois plutôt que c'est Jibril, Afouane. J'ai confondu. C'est Jibril qui, depuis, il a été dit que depuis que le feu a été créé, qu'il n'a plus souri. Allahu ta'ala alam. Tayyib. Yaqul, wa ru'usuhum tisata ashar. Et parmi les anges du feu qui sont avec Malik, il y en a, les principaux sont au nombre de 19. Dans le Coran, ils ont été nommés. كما قال تعالى وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. Il a dit quoi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala? Et qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce que Sakar? Sakar, en fait, c'est le nom de l'enfer. Qu'elle ne laisse rien et n'épargne rien. C'est un feu qui dévaste tout, qui ne laisse rien du tout, consomme tout. Et qui noircit la peau et la consume. Et qu'il s'y trouve 19. Qui sont-ils? Des anges. Que Allah Azzawajal a mis là comme épreuve pour ceux qui ont mécru. Donc ce nombre 19 est venu là pour dénombrer les anges principaux gardiens de l'enfer. Wali'azubillah. Ce qui prouve qu'il y a des anges qui ne seront pas détruits lorsque Allah Azzawajal détruira tout. كما قال تعالى كل شيء هالك الا وجهه, que toute chose est amenée à périr à part son visage, à part sa face. D'accord? Et de là fait exception certaines créatures et certains anges. Ce ne sont pas tous. Il y aura des anges au Jannah et il y en aura au feu également. يقول ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير. Il y a les deux anges qui sont chargés d'interroger le serviteur dans sa tombe. Des anges bleus et noirs, effrayants, qui diront à l'homme dans sa tombe, Man Rabbuk, Ma Dinuk, Man Nabiyuk, qui diront, quelle est ta religion? Ou plutôt, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Si des anges-là ont été nommés, comme étant, Munkar wa Nakir, et certains ulama, ils ont dit non, ce n'est pas un nom, c'est un descriptif. Mais ce qui apparaît, c'est que ce sont des prénoms. D'accord? Ce sont des prénoms. Allahu Ta'ala alam. En tout cas, ces deux anges-là ont été cités, ont été nominalement, ils ont été cités textuellement. Non. قال ومنهم حملة العرش. Il y a parmi eux les porteurs du trône. Du trône. Et ils sont 8, comme vous le savez. يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Et qui porteront ce jour-là au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur au nombre de 8. Ce sont les plus grands anges qui existent. Les anges les plus immenses qui existent. Ils portent le trône qui est la plus grande des créatures. Ils sont 8 à le porter. Et Allah Azawajal est au-dessus du trône. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a entre le lobe d'un de ses anges jusqu'à son épaule 800 ans ou 700 ans de distance. De quelle manière? On ne sait pas. De quelle manière la distance est parcourue en 800 ans? On ne sait pas. Du lobe de l'oreille à l'épaule. Donc imaginez-vous la taille de l'ange. Et on ne sait pas de quelle façon il est créé. Ça ne veut pas dire qu'il est comme nous de façon proportionnelle dans le sens où il a un lobe d'oreille, une épaule dont la distance est équivalente à celle d'un être humain entre son lobe et son épaule, et après son bras et sa hanche, et on ne sait pas, le reste on ne sait pas. Mais pour vous dire qu'il est immense, ils sont 8 à porter le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah est au-dessus du trône, et que Allah n'a pas besoin du trône, ni il n'a besoin de ces anges-là, mais ils sont là pour le glorifier, pour l'obéir. ثم قال ومنهم الكروبيون الكروبيون. De ce que disent certains ulama, ce sont des anges qui sont censés être au-dessus du trône ou autour du trône avec ces 8-là. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit qu'il n'y a aucun dalil qui parle de ces anges-là. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Parce que là, quand j'ai vu le livre, personnellement moi, je n'ai jamais entendu parler d'eux. Donc on a regardé, qui sont-ils? Et concrètement, apparemment, ce sont des anges sur lesquels il y a des textes faibles. Il y a un authentique qui parle d'eux. Donc, Allah Ta'ala alayhi bi wujud ha'oula. Yaqul wa minhum al-muwakkal bi nutf fil arham wa min takhliqiha kitaba ma yuradu biha. Il y a également les anges, l'ange qui est chargé dans le ventre de la mère qui vient pour écrire ou insuffler le souffle de vie. Comme on dit dans le hadith, qu'au bout de 40 jours, d'accord, ou plutôt au bout de 4 mois, l'ange vient pour mettre le souffle de vie et écrire ce qui attend le serviteur, comme risque, comme œuvre et comme destination. Et est-ce qu'il sera heureux ou damné? Non. Donc ces anges-là également, ils viennent. Ils ont été cités dans les textes. وَمِنْهُمْ مَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ يَدْخُلُوهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفًا مَلَكٌ ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم ومنهم ملائكة السياحون. طيب. Il y a également ces anges cités dans le hadith de Al-Mi'raj, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est monté aux cieux avec Jibril. Il est monté jusqu'où? À Bayt al-Ma'mour. Bayt al-Ma'mour, c'est une maison qu'il y a aux cieux. Il est dit que cette maison est au-dessus de la Kaaba. Et dans cette maison-là, chaque jour, il y a 70 000 anges qui rentrent, qui font le tour, le tawaf, qui repartent et ne reviennent plus jamais. Chaque jour, imaginez-vous le nombre. Chaque jour, depuis leur création, ils rentrent en ce lieu, ils font le tawaf et ils repartent et ne reviennent plus. Et là, subhanallah. Sans compter les anges qu'on a cités là maintenant et d'autres. Imaginez-vous le nombre qu'ils sont. C'est inimaginable. Inimaginable. قال ومنهم سياحون يتبعون مجالس الذكر. Il y a également des anges qui parcourent sur terre pour trouver les assemblées de rappel. Ils cherchent des endroits où les musulmans sont réunis, où Allah Azzawajal est cité, comme dans les durus. Et réalisalika. Ce sont les choses qui sont importantes. Lorsque les gens se réunissent pour citer Allah Azzawajal, les anges viennent, comme dans le hadith, qui les entourent de leurs ailes. Vous voulez que les anges soient présents chez vous? Appelez Allah Azzawajal en groupe. Et quand on dit rappeler en groupe, c'est pas faire des askar en groupe. C'est les duros, c'est les rappels. Ce sont ce genre de choses. Les anges sont là. Et dans les masajid. Et contrairement à cela, il y a des choses qui font fuir les anges. Comme quoi, les images dans les maisons. Les photos, les vidéos, ce genre de choses. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لا تدخل بيتا فيه الملائكة بيتا فيه صور أو صورة وكلب. Que les anges n'entrent pas dans les maisons dans lesquelles il y a des images figurées et un chien. Cela fait fuir les anges. Quels anges ? Ce sont les anges de la Rahma, de la miséricorde. Regardez que cela peut être une cause qui amène à un mal dans la maison, qu'on fait fuir les anges de la Rahma par des images dans nos maisons. Avec les photos qu'on a, les dessins qu'on peut avoir, même les jouets des enfants sous forme d'être vivants. D'accord ? La télé qu'on allume, les images qu'on met dans le téléphone portable, et tout cela. Même les papiers qu'on a, les papiers, les passeports, tout ça là, sont des images, ça empêche les anges de rentrer. Comment on fait ? Les ulama disent, c'est... Ben des fois, on en est privé, hein, malgré nous. On n'a pas de péché, mais on est privé de leur présence. Ou si des gens, ils ont des lieux préservés, ils peuvent les mettre, par exemple, leur papier dans un lieu qui est hors de la maison, je ne sais pas, je ne sais où, s'ils ont un balcon, je ne sais pas, un endroit, ils peuvent mettre cela, s'ils veulent vraiment. Mais wallah, comme on l'a constaté, c'est un combat. Empêcher des images de rentrer à la maison, c'est un combat. Il y en a partout. Dans la nourriture, sur les biscuits, sur les couches, sur les vêtements, c'est un combat qui est incroyable. De pouvoir sortir les images de chez nous. C'est quasi, ça relève presque de l'impossible. Fatakullah mastator tum kriniala comme vous le pouvez. Mais quand on peut les enlever, les images, il faut les enlever. Et éviter de les faire rentrer. Non. Et celles qu'on ne voit pas et qui rentrent, demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il sait qu'on ne fait pas exprès. Mais sachez que c'est une cause qui fait fuir les anges de chez nous. Et qui peut être, souvent, à la maison, on a des problèmes, des disputes, ou des choses qu'on ne sent pas bien, ça peut être ça la cause. Les anges de la Rahma ne rentrent pas. طيب ثم قال ومنهم صفوف قيام لا يفترون qu'il y a des anges qui sont en rang constamment et qui ne cessent jamais, ils sont en rang ومنهم ركوع ومنهم ركوع وسجود لا يرفعون et certains autres qui sont tout le temps en inclinaison et en prosternation ne se lèvent jamais. Certains sont en rang debout constamment et certains sont inclinés et prosternés constamment. Combien sont-ils ? On ne sait pas. وَمِنُهُمْ غَيْلَ مِنْ ذِكْرٍ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ وَمَا هُوَ إِلَّ ذِكْرَ لِلْبَشَرِ Et d'autres qui ne sont pas nommés. Dans le sens où Allah dit, et que nul ne connaît les troupes de ton Seigneur en dehors de lui. Et cela n'est qu'un rappel pour les humains. Al-Muddathir. وَنُصُوصَ دِلْ أَقْسَمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ لَا تُخْفَى Et que les textes à leur sujet parce qu'on n'a pas cité les dalils pour tous, hein, mais ils ont tous des dalils à l'appui, ce qu'on vient de dire à l'instant là, qui sont indénombrables. Également, il y a l'ange qui est chargé des montagnes, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé par Aïcha, lorsqu'elle a dit quel était le pire jour que tu as vécu dans ta vie. Il a dit, lorsque je suis parti, appeler mon peuple à l'islam, à se soumettre, et que de là, son peuple l'ont rejeté en lui jetant les pierres, au point qu'ils l'ont fait saigner. Ça a été un jour terrible pour lui, à tel point que Jibril est venu le voir pour lui dire, il y a un ange qui est ici, l'ange des montagnes. Ordonne-lui si tu veux, il retourne les montagnes sur eux. Et malgré cela, le Nabi sallam quand allait là, arjou an yakuna minhum nasalahum unasun yabudun Allah azza wa jal. Il a dit non, j'espère que de ces gens-là viendront une descendance qui seront des gens qui adoreront Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit Ta'ala, wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Que le Nabi sallam kana arhaman nas, l'homme le plus miséricordieux qui soit. Il aurait pu les faire détruire. Malgré cela, il a dit non. J'espère que leurs descendants viendront. Et cela est exaucé. Par la suite, les gens de ce secteur, qui est dans le Hijaz, en Arabie Saoudite, sont devenus des croyants. Subhanallah. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme ders, qui citait la croyance en les anges et leur présence, et certains d'entre eux, et les preuves à l'appui. طيب فنكتفي بهذا القدر اليوم فسبحانك وبحمدك لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته